Chapitre 17e. Voyage en Afrique. Mon passage sur la Boris. Superstition. Fâcheux pronostic. Philosophie du capitaine Liard. Physionomie d'un négrier. Les poissons volants. Oives, mœurs portugaises. Les tigres. Une position désagréable. Bourrasque. Effet de l'électricité. Un homme à la mer. Dévouement. Arrivé à Zanzibar. À peine descendu à terre, je m'empressai de louer une petite chambre, fort laide et peu meublée, dans une cantine, car mes moyens ne me permettaient pas un grand luxe d'appartement, et je ne connaissais personne dans l'île à qui je pusse demander l'hospitalité. Toute ma fortune consistait alors dans une somme de 200 francs, le reste de mes appointements de matelot à bord du Caton, et je devais vivre le plus économiquement possible. J'avais bien encore quelque argent à toucher à Zanzibar, par suite d'une opération que j'avais faite après le départ de Surcouf, alors que mes parts de prise du Kent me permettaient de m'intéresser dans les entreprises maritimes. Mais les relations avec ce port étaient si rares et si difficiles que je ne pouvais raisonnablement compter sur cette ressource pour le moment. J'étais en train d'expédier un dîner assez équivoque lorsqu'un marin entra dans la salle où je me trouvais et vint s'asseoir près de moi. Entre gens de mer, on le sait, la connaissance est bientôt faite. On ne s'étonnera donc pas qu'après un quart d'heure de tête-à-tête, l'inconnu et moi fussions déjà, sinon des amis, au moins des connaissances. Il m'apprit qu'il se nommait François Combalot, était natif de Honfleur, et devait partir le soir même sur le brick La Doris, de 160 tonneaux, commandé par le capitaine Liard. « Et quelle est la destination de votre navire ?» lui demandai-je. « Ma foi, » me répondit-il avec un peu d'embarras, « je ne saurais trop vous le dire. » Pourvu que l'on me paye mes appointements, cela m'est bien égal de naviguer au nord ou au sud. La mer est toujours la mer. Je crois pourtant que nous devons d'abord toucher à Zanzibar. À Zanzibar ? M'écriai-je. Parbleu, voilà qui ferait joliment bien mon affaire. De graves intérêts m'appellent justement dans cet endroit. Si votre capitaine veut m'accepter en qualité de passager, je m'embarque ce soir avec vous. Cette bêtise, le capitaine ne demandera pas mieux. « Il est arabe comme un juif, monsieur Liard, et il ne cherche qu'à gagner de l'argent. »« Voilà le malheur, c'est que je n'en ai pas beaucoup d'argent. »« Tiens, qu'est-ce qu'il y en a donc beaucoup de monnaie ?» me dit tranquillement le matelot François. « Les gens qui ne se respectent pas et qui exploitent le pauvre monde, les armateurs et les brocanteurs, les faiseurs de gueux, quoi. Enfin, en avez-vous un peu d'argent ?»« Très peu, environ 200 francs. »« Ah ben merci, vous appelez ça peu, vous. Faut que vous ayez été officier, donc. »« C'est vrai. » et même à bord de la Confiance. « Vous avez navigué avec Surcouf ?» s'écria le matelot, en portant instinctivement la main à son chapeau goudronné comme s'il eût voulu me saluer. « Eh bien, excusez du peu. Je vous assure que le capitaine Liard, tout liardeur qu'il est, ne vous refusera pas votre passage. Ma foi, puissiez-vous ne pas me tromper ? Où demeure-t-il, votre capitaine ? Je ne saurais vous l'expliquer, mais je puis, si ça vous amuse, vous y conduire. Avec plaisir. » répondis-je en me levant. « Allons. » François Combalot, qui me parut être une de ces bonnes et franches natures de matelot, pleines de dévouement, de philosophie pratique, de bonhomie et de ruse tout à la fois, s'empressa de m'imiter et nous sortîmes. « Voyez-vous, lieutenant, me dit-il en route, certainement que je voudrais bien vous avoir à bord, mais là, franchement, voulez-vous me permettre de vous glisser une observation sous le vent de la brigandine ? Comment donc ? Bien volontiers, je vous écoute. » « Eh bien, sacré mille noms, ne partez pas. »« Pourquoi pas ?» lui demandai-je, assez étonné de l'air convaincu, grave, presque solennel avec lequel il venait de prononcer ces paroles. « Si au lieu d'être un marin, vous étiez un terrien, lieutenant, je ne répondrai pas à votre question, » me dit Combalot, « car n'ayant pas d'intelligence, vous ne me comprendriez pas. Mais à vous, je puis vous avouer ça. Savez-vous quel jour est aujourd'hui ? Ma foi, nous sommes le 2 janvier. » « Ça, lieutenant, c'est la date et non le jour. Nous sommes aujourd'hui un vendredi. En effet, vous avez raison, Combalot. Et qui plus est, ce vendredi est le premier de l'année. Satanée chance. Faut que le capitaine, sauf le respect que je lui dois, soit une fameuse canaille pour songer à pareiller un pareil jour. Ah, si je n'avais pas mangé déjà mes avances, aussi vrai qu'il n'y a qu'un Dieu, je ne m'embarquerais pas. » Le fait est, répondis-je, car pourquoi ne pas avouer cette faiblesse au lecteur ? Je partageais jusqu'à un certain point, tout en comprenant combien cela était ridicule et puéril, cette superstition du vendredi. Le fait est que le capitaine eût bien pu remettre son départ à demain matin. Ah ben oui, il est trop avare pour cela. Enfin, n'importe. J'ai nocé avec mes avances, j'ai pris de l'agrément, je me suis donné du genre et amusé autant que possible. Si je dois boire à la grande tasse, il n'y aura rien à dire. Mais vous, qui êtes libre, que rien n'engage, ce serait folie de vous embarquer. Bon, notre destinée est écrite là-haut et rien ne peut la changer. Et puis François, laissez-moi vous faire observer qu'on a souvent vu des navires mettre en mer à vendredi et n'en pas moins arriver à bon port pour cela. Dame, il y a des hasards si grands, mais voyez-vous, je ne vous ai pas tout dit encore, lieutenant. Quoi donc? Connaîtriez-vous encore un autre mauvais présage? Oh, cette fois c'est de la bêtise du capitaine qu'il s'agit. Figurez-vous que pour agrandir le local de la Doris, il a fait élever une dunette à bord. Eh bien, je ne vois cela, quelque petit que soit votre navire, aucun motif de danger, si elle a été construite dans de bonnes conditions. Permettez. Monsieur Liard, voulant préserver la dunette de l'embêtement d'une barre de gouvernail dite franche, en a fait construire une en fer, dont le bout drossal, au lieu d'être tourné vers l'avant, l'est vers la poupe. De telle sorte que pour faire venir le navire sur un bord, il faut, contre la coutume ordinaire, tourner la roue du côté opposé. Comprenez-vous, lieutenant, la bêtise? Et oseriez-vous vous embarquer sur un navire arrangé comme ça? En effet, je trouve que votre capitaine a eu tort d'ordonner cette innovation. Mais si, au total, les timoniers veulent y faire attention, ce gouvernail sera aussi facile à manier et produira les mêmes résultats qu'un autre. Voyez-vous, lieutenant, me répondit le matelot en hochant la tête d'un air de doute, l'habitude, c'est l'habitude. Quand on est façonné à une chose depuis 10 ou 20 ans, si cette chose change, on s'y blouse, c'est sûr. Merci bien de vos avertissements, mon cher ami, dis-je au matelot, mais je vous le répète, coûte que coûte, il faut que je me rende à Zanzibar. Si votre capitaine s'arrange de mes propositions, je courrai avec vous la chance du vendredi et du changement de gouvernail. Si vous êtes décidé, lieutenant, c'est différent. Je me tais. Mais nous voici arrivés devant la maison garnie où demeure le capitaine. Entrez. Par un heureux hasard, je trouvai encore M. Liard chez lui. Je lui fis part de ma position en quelques mots, et malgré son avarice, du moins à en croire le matelot Combalot, nous tombâmes de suite d'accord. Ce voyage est le premier que je fais en Afrique, me dit-il. Je compte, si j'ai quelques renseignements à vous demander, à vous qui avez exploré déjà ces passages, que vous voudrez bien me les donner. « Comment donc, capitaine? Je suis à cet égard tout à fait à vos ordres. »« 1000 remerciements. J'ai quelques affaires à terminer et je ne vous retiens pas davantage. À bientôt. Vous pouvez vous rendre au reste, de suite à bord. Nous apparaîtrons dans 2 heures. » Au lieu d'user de cette permission, j'employai ces 2 heures à parcourir un peu la ville, que je ne connaissais pas, et à faire quelques petites emplettes indispensables. La nuit venue, je montai dans une pirogue et me fis conduire à bord de la Doris. J'arrivai juste au moment de l'appareillage. Comme j'étais fatigué de mes courses de la journée, je descendis aussitôt dans ma cabine et me jetant sur mon cadre, je m'endormis de suite d'un profond sommeil. L'habitude du car me réveilla au milieu de la nuit. Il faisait une chaleur étouffante et je me levai pour monter sur le pont. Ce fut alors que, pour la première fois, je remarquai, car jusque-là absorbé par mes pensées, que ma situation précaire ne rendait pas fort gai, je n'avais prêté aucune attention aux objets extérieurs. Ce fut alors, dis-je, que je remarquai pour la première fois une singulière et pénétrante odeur dont ma cabine était imprégnée. Je me frottai les yeux à plusieurs reprises, je humais l'air à plein poumon, et persuadé enfin que je ne rêvais pas, je me hâtai de me rendre sur le pont. Cette odeur qui me causait tant d'émotions tenait le milieu entre celle du musc et du bouc. Le capitaine, lorsque j'arrivais sur le pont, ne s'y trouvait plus. Il s'était retiré dans sa chambre. Je m'adressai alors au second, un jeune homme nommé Boudin, de Honfleur, comme je l'appris plus tard, qui le remplaçait. Toutefois, avant d'aborder cet officier, je remarquai que, toute proportion gardée, le tiac de la Doris était exhaussé au moins d'un bon tiers de plus que ne sont ordinairement ceux des corbettes et des corsaires. Cette découverte changea en certitude complète certains doutes que l'odeur de musc et de bouc dont j'ai parlé avait déjà éveillé dans mon esprit. « Monsieur, dis-je en saluant le second, je vous demande pardon de vous déranger ainsi, mais il est une question que je tiens essentiellement à vous adresser sans retard. »« Je suis prêt à vous satisfaire, me répondit poliment M. Boudin, qui était un homme de mœurs douces, parler. Le brick la Doris a déjà fait, n'est-ce pas, la traite des nègres? Oui, monsieur, il y a même à peine un mois qu'il est de retour de son dernier voyage. Et en ce moment, monsieur? Eh bien, monsieur, en ce moment? Elle accomplit sans doute son second voyage. N'étiez-vous pas instruit de cela? Dans ce cas, vous avez deviné parfaitement juste, oui. Nous nous rendons à la côte d'Afrique pour y prendre une cargaison d'ébène. Ainsi, je me trouve sur un négrier. Votre réflexion me semble au moins logique, me dit M. Boudin en riant. Mais quoi, monsieur, trouveriez-vous donc notre entreprise si criminelle que l'idée de vous savoir à bord d'un négrier vous cause à vous, marin, de l'émotion? Il me semble au moins que le capitaine eût bien pu, lorsque j'étais retenir mon passage pour Zanzibar, m'avertir de ce qu'il en était. Me l'avez-vous demandé? Dit derrière moi le capitaine Liard en venant se mêler à la conversation. Non, capitaine, j'en conviens. Eh bien alors, pourquoi vous aurais-je parlé de cela? Que diable! Quoique la traite soit tacitement tolérée, et même en ce moment protégée, ce n'est pas une raison pour crier par-dessus les toits que l'on va chercher de l'ébène à la côte d'Afrique. Les Anglais ont l'oreille fine lorsqu'il s'agit de nuire à la prospérité de nos colonies. Or, comme l'esclavage seul soutient nos possessions d'outre-mer, les Anglais s'indignent rien qu'en entendant prononcer ce mot, et font tous leurs efforts pour nous entraver, nous autres négriers, dans l'accomplissement de notre profession. Au reste, je croyais qu'à vous, marins, un examen même superficiel de la Doris vous aurait suffi pour savoir à quoi vous en tenir sur son compte. Voilà pourquoi, lorsque vous m'avez quitté à terre, je vous ai conseillé de vous rendre de suite à bord. C'est vrai, capitaine, mais je n'ai pas suivi votre conseil. Je ne me suis embarqué qu'au dernier moment et à peine embarqué, j'ai été me coucher. J'avoue qu'en effet, en y réfléchissant, vous n'avez rien fait pour me tromper, tout au contraire. Après tout, monsieur Garneret, que désirez-vous? Aller à Zanzibar? Nous allons à Zanzibar. Cela doit vous suffire. À moins toutefois, ajouta le capitaine après un moment de silence, et en accompagnant ses paroles d'un sourire ironique, à moins toutefois que la profession de négrier ne vous semble une chose tellement odieuse et coupable que vous ne puissiez supporter la présence de ceux qui l'exercent. Capitaine, voilà une exagération. Que ne justifie que trop bien l'émotion que vous avez éprouvée en faisant cette grande découverte que la Doris était un navire négrier, interrompit M. Liard. Mais savez-vous bien, monsieur, que je préfère moi être négrier que corsaire? Sous le rapport de l'intérêt, c'est possible. Non, sous tous les rapports, s'écria M. Liard en s'échauffant. Écoutez d'abord mes raisons, je vous prie, et vous me répondrez après. Quelle est la mission du corsaire? Ruiner le commerce de l'ennemi en pillant ses navires. Quel danger court-il? Recevoir un boulet de canon, un coup de hache ou une balle? Bien. Quelle est notre mission à nous? Féconder nos colonies en leur procurant des travailleurs qui puissent, sous un soleil de feu auquel ils sont accoutumés, travailler la terre et lui faire produire ces riches et belles récoltes que l'Europe nous envie. Quel danger courons-nous? Ils sont 10 fois plus nombreux que ceux qui menacent les corsaires. D'abord, nous avons les révoltes des esclaves à bord. Événements, comme vous le savez, malheureusement fort fréquents. C'est-à-dire des luttes qui n'ont rien d'humain, qui sont atroces, inexorables, où la grâce est inconnue, où l'on succombe sans espoir de merci. Ensuite, danger moins poétique peut-être, mais tout aussi grand, les fièvres pernicieuses de la côte, qui nous enlèvent bien plus de gens en une seule traversée que les boulets anglais ne moissonnent certes de matelots pendant une croisière. Vous voyez, monsieur, que sans amour-propre de métier, je puis prétendre que je vaux au moins autant comme capitaine négrier que je vaudrais comme corsaire. Je ne conteste pas l'utilité de la traite, capitaine. Seulement, elle porte en elle un cachet de violence qui me révolte. De quel droit enlevez-vous des hommes libres pour les plonger, quoiqu'ils ne soient pas vos ennemis, dans un affreux esclavage? Ah oui, toujours la même objection. Au reste, je trouve que c'est la meilleure que vous puissiez m'opposer, et cela pour une bonne raison, c'est que c'est une objection que j'appellerais de sentiment, et qui trouve par conséquent de l'écho chez tous ceux qui tiennent à se poser en gens sensibles et vertueux. Eh bien, si vous voulez m'écouter 5 minutes, je vous promets que pourvu que vous soyez impartial et de bonne foi, vous conviendrez que ce que vous venez de me dire n'a pas le sens commun. Parlez, capitaine, je ne demande qu'à m'instruire et je suis tout à fait sans prévention. D'abord, et avant tout, je vous ferai observer une chose, c'est que ces hommes à qui, d'après vous, nous arrachons si illégalement leur liberté, ne sont pas libres. Nous n'achetons que des esclaves. J'en conviens, mais au moins sont-ils esclaves dans leur pays. Je vous conseille de faire valoir cette raison. Vous ne pouviez en trouver une plus détestable. Vous ne devez pas ignorer, vous surtout, qui avez déjà parcouru toute la côte d'Afrique, qu'il n'y a rien de cruel, de vindicatif, d'avare, d'emporter comme les chefs africains. Considérant leurs esclaves comme des animaux, ils les traitent avec une inhumanité qui n'a pas de nom. En possédant un nombre beaucoup plus considérable qu'ils n'en ont besoin, ils s'amusent souvent, lorsque l'arak enflamme leur cerveau, à zagayer comme passe-temps et comme exercice les malheureux qui leur appartiennent et dont ils ne savent souvent que faire. N'a-t-on pas vu 100 fois des chefs africains laisser mourir de faim des centaines d'esclaves ? Ah, croyez-moi, monsieur Garneret, il y a immensément de pauvres paysans en Europe dont le sort est loin d'être aussi heureux que celui de nos nègres. Vous qui avez vu cela de près, trouvez-vous donc à l'Île-de-France ou à Bourbon la position de nos esclaves soit bien pénible ? Je vous défie de me répondre oui. Comme dans nos colonies un nègre représente une assez grande valeur, il est de l'intérêt de son maître de le bien soigner, de ne pas l'accabler d'ouvrage, car toute dépréciation de sa personne devient une perte pour lui. Du reste, vous avez dû voir parfois des nègres indomptables ? Quelquefois, capitaine. Quels moyens emploie-t-on pour les apprivoiser ? On les frappe, on les met au cep, on les fait jeûner. Je ne prétends pas que cela soit bien charitable, mais il ne faut pas oublier non plus que ces nègres indomptables ne rêvent que l'empoisonnement des fontaines, l'incendie des habitations, et qu'en Europe enfin, pour peu qu'ils fussent tombés entre les mains d'un procureur habile, on leur eût coupé le cou. Or donc, quand on a frappé, mis au cep et au pain et à l'eau le nègre récalcitrant, et que rien n'a pu plier ses mauvais instincts, quel parti prend-on envers lui ? On le renvoie libre à la côte d'Afrique parmi les siens, capitaine. J'ai vu cela arriver 10 fois. Très bien. Or, vous avez dû aussi, par conséquent, être témoin du profond désespoir, qui va jusqu'au suicide. Que montre alors le nègre condamné à la liberté ? Il pleure, il gémit, il se traîne aux genoux, il demande grâce, il promet une obéissance passive, il est fou de douleur, n'est-ce pas ? Oui, capitaine, j'avoue que cette peinture est fidèle. Eh bien alors, puisque vous avouez cela, monsieur Garneret, me dit le capitaine en me tournant le dos, ne soyez donc plus si malheureux que vous semblez l'être de vous trouver en ce moment sur la Doris. J'avoue à ma honte que je ne sus que répondre à ce reproche du négrier. Le bon sens et le bon droit étaient de son côté. Je redescendis donc dans ma cabine sans ajouter un mot. Je dormais probablement depuis longtemps quand je fus réveillé par un grand cri. Je m'élançai sur le pont. Un triste spectacle frappa ma vue. Le lieutenant de la Doris, un tout jeune homme, nommé Chastenet, gisait par terre au milieu d'une mare de sang et ne donnait plus signe de vie. En effet, il était bien mort. Un épissoir mal amarré dans la hune lui était tombé sur la tête et l'avait tué roide. « Voilà ce que c'est que de partir un vendredi, » dit une voix à mon oreille. Je reconnus en me retournant le matelot François Comballeau. La mort tragique et si inattendue du lieutenant Chastenet, ainsi commentée et expliquée, produisit une vive impression sur l'équipage. Pas un des matelots de la Doris n'eût hésité, si cela eût été alors en son pouvoir, à débarquer immédiatement. Il semblait à chacun que cette traversée, si imprudemment commencée un vendredi, et dont un fatal événement venait de marquer le début, ne pouvait finir autrement que par une catastrophe générale. « Monsieur Garneret, me dit le lendemain matin le capitaine pendant le déjeuner, j'ai une prière à vous adresser. Vous m'avez hier manifesté votre aversion pour la traite. Mais n'importe, entre marins il y a des services que l'on ne peut se refuser. Je pense donc que vous voudrez bien remplir à bord de la Doris la place laissée vacante par la mort de Monsieur Chastenet. « Jusqu'à Zanzibar seulement, oui, capitaine, et je mets encore à cela une condition, c'est que, quoique remplissant les fonctions de lieutenant, et je les remplirai en conscience, je ne cesserai pas pour cela d'être passager. Inutile d'ajouter que je ne demande ni ne veux aucun appointement, car j'ai juré que je ne naviguerai jamais comme négrier. Je dois me soumettre, quoique à regret, à vos désirs, monsieur. » Me répondit le capitaine en laissant malgré lui percer la joie que lui faisait éprouver mon refus d'appointement. Une fois que je fus investi de mes fonctions gratuites, le capitaine me présenta à l'équipage en me désignant les hommes par leur nom, les voici. Fleury, maître, Martin, charpentier, Boubert, tonnelier. Les matelots étaient Fleury, frère du maître d'équipage, de Honfleur, Prontout de La Rochelle, François Comballeau, Perrin et Ducasse. Le novice se nommait Fignolet. On voit que l'équipage de la Doris, y compris le capitaine et moi, se composait en tout de 12 hommes. Quant à la Doris, qui avait été construite à Hambourg pour en faire un corsaire, elle marchait admirablement et en était à son troisième voyage à la côte. Ses deux premiers avaient enrichi le capitaine qui la commandait alors et qui, s'étant retiré, avait cédé sa place à M. Liard. M. Liard, assez bon marin et ne manquant pas d'instruction, était un ex-officier de la marine militaire, d'une sordide avarice, d'un caractère impérieux et dur, d'un égoïsme profond. Il était peu sympathique à son équipage. Je demanderai à présent au lecteur la permission d'interrompre un instant ce récit pour lui donner, ce qu'il ne connaît nullement, la physionomie d'un navire négrier. J'ai lu avec autant d'attention que de surprise tous les romans maritimes qui ont paru jusqu'à ce jour, et je ne puis m'empêcher de déclarer que je n'ai trouvé dans la plupart d'entre eux que de monstrueuses hérésies en fait de marine. Un romancier, quand il lance un négrier sur l'océan, ne manque jamais de le faire se déguiser pour échapper aux investigations de l'autorité, et je déclare que ce travestissement-là n'est pas possible. Que l'on change jusqu'à un certain point et dans une certaine mesure l'aspect d'un négrier, je le conçois. Mais on ne le dénaturera jamais de telle façon qu'il en devienne méconnaissable aux yeux des gens du métier. Le négrier est déjà reconnaissable sur le chantier par la perfection de sa coupe. Construit selon sa destination, c'est-à-dire de façon à pouvoir échapper aux croiseurs et offrir les conditions de salubrité indispensables au salut de la traite, le négrier doit être à coffre, doublé en cuivre et percé de sabords pour y placer une batterie. En outre, proportion gardée, son tillac est exhaussé au-dessus de la flottaison au moins d'un tiers de plus que ceux des corvettes et des corsaires. Et voici pourquoi. D'abord, pour donner plus de hauteur au parc des Noirs, construit sur le faux pont. Ensuite, pour que l'on puisse arrimer beaucoup d'eau et de vivres. Enfin, pour assurer au navire la qualité essentielle de ne pas embarquer la vague dans les gros temps, car il n'y a rien de si nuisible à la santé des Noirs que d'être mouillé par l'eau de mer. Ce que l'on s'expliquera aisément en songeant que les logements des esclaves étant fort chauds, il résulte de cette humidité dilatée par une haute température et saturée d'émanations infectes, des épidémies horriblement meurtrières. Quand bien même le navire négrier ne serait pas un bâtiment spécialement construit en vue de la traite, on reconnaîtrait encore facilement sa destination à mille signes révélateurs, à son équipage composé d'hommes d'élite, à ses chaudières, aux charniers, à ses grandes embarcations, quelquefois pontées, mais toujours gréées avec beaucoup de soin, car elles sont obligées souvent à faire des courses lointaines, enfin à son artillerie, à ses armes, à ses cloisons. Parviendrait-on même à dissimuler tous ces indices accusateurs, il resterait encore à bord assez de preuves irrécusables pour le trahir, telles que les barreaux destinés à supporter le faux pont volant, les planches nécessaires à la confection du faux tillac, les emménagements des parcs, le bois nécessaire à la construction de sa rambade, enfin l'énorme quantité de toile goudronnée dont on a besoin pour confectionner le tau. J'en demande donc bien pardon à messieurs les romanciers maritimes qui ont souvent consacré des chapitres entiers à opérer le déguisement d'un négrier. Mais ce déguisement est matériellement impossible. Je reviens à notre voyage. Depuis 5 jours que nous avions quitté l'île Bourbon, une brise excellente nous avait, malgré le mauvais présage du vendredi, constamment favorisés. Nous faisions une navigation délicieuse. Notre bonheur nous fit aussi tomber dans un banc de poissons de flot, d'espèces variées, qui s'attacha à notre navire et qui, en dépit des nombreux emprunts que lui faisait à chaque instant l'équipage, emprunt qui ne laissait pas un moment de répit au cuisinier, nous accompagna jusqu'à la côte d'Afrique. Nous croyons que le lecteur, rassasié de combat, ne nous en voudra pas de laisser reposer un moment l'âge d'abordage et les bordées du canon pour lui présenter une peinture exacte et probablement nouvelle pour lui des scènes intimes des habitants des mers des Indes. Parmi les poissons qui nous suivaient, ou pour être plus exact, qui suivaient la même route que nous, on remarquait la rapide bonite, le thon vorace, la dorade au nez camu et aux mille couleurs chatoyantes, enfin l'infortuné et timide poisson volant, la malheureuse victime de ceux que je viens de nommer. L'innocent et inoffensif poisson volant, le plus persécuté certes de tous les hôtes de l'onde, est connu sous mille noms, c'est au choix du lecteur. Le dactyloptère, le pyrapède, l'arondelle, l'hirondelle, le rat de penade, le faucon de mer, le rondalot, la chauve-souris, etc. Quant à nous, nous avons ici en toute sincérité que ce pauvre petit malheureux, si joli et si gracieux de forme et de couleur, nous a toujours inspiré un vif intérêt. Jamais nous n'en avons mangé, et cela nous est arrivé bien souvent sans nous apitoyer sur son sort. Au reste, frit à la poêle, il n'est pas très mauvais. Le dactylopère, malgré sa double nature, qui au premier abord semblerait devoir lui procurer de grandes facilités pour se dérober à l'acharnement de ses nombreux ennemis, ne trouve au contraire de sûreté nulle part. Imparfaitement conformé pour le vol et pour la nage, c'est-à-dire volant moins bien qu'un oiseau et nageant moins bien qu'un poisson, il n'évite le bec du premier que pour tomber sous la dent du second. Quelquefois même, ses deux ennemis, fondant ensemble et en même temps sur lui, se disputent l'un par le haut, l'autre par en bas, les deux extrémités de son corps. Lorsque l'infortuné dactylopère est poursuivi par un tout autre affamé que par la dorade, il lui arrive fort souvent de s'échapper. Mais si c'est cette dernière qui lui donne la chasse, on peut à peu près le considérer comme perdu. Rien de curieux et d'intéressant comme d'assister à une de ces luttes que stimule d'un côté la gourmandise, de l'autre l'instinct de la conservation et la peur. Traçons donc brièvement un des 1000 épisodes de cette espèce dont nous avons été témoins. Lorsqu'aucun ennemi ne harcèle le poisson volant, ce pauvre petit amphibie se tient ordinairement à la superficie de la mer. Je dis tiens et non pas repose, car sans cesse aux aguets, il ne jouit pas un seul instant de tranquillité, et bien lui en prend. En effet, voici une dorade qui se précipite sur lui, aussi rapide dans son sillage que l'hirondelle dans son vol. Heureusement, le poisson volant l'aperçut. Prenant aussitôt un élan soudain, il s'élève d'abord à quelques pieds dans les airs. Peu après, cependant, il descend, ne conservant plus entre la mer et lui qu'une distance d'une coudée et demie au plus. Seulement, soutenu par la fraîcheur de l'eau qui entretient l'humidité de ses ailes, il rase longtemps la surface de la vague en suivant la direction de la brise. De son côté, la dorade, que cette fuite n'a pas déconcertée, n'abandonne pas sa poursuite. Nageant couchée sur son flanc, pour mieux pouvoir le guetter, elle effleure à peine la surface de l'eau afin d'amoindrir la pression qui ralentirait sa marche et ne perd pas sa proie future d'un seul instant de vue. Rien n'égale, je ne puis trop le répéter, la rapidité fabuleuse et dont on ne peut se faire une idée du sillage de la dorade. Cette chasse acharnée continue ainsi pendant quelques secondes, pendant près d'un quart de minute parfois. Enfin, le vol du malheureux dactylopère perd de sa régularité, se ralentit, devient saccadé. Bientôt ses ailes transparentes, rendues inertes par suite de leur manque d'humidité, qui ne leur laisse plus de prise sur l'air, ne soutiennent plus qu'avec peine son corps alourdi qui s'incline alternativement d'un côté sur l'autre, ainsi que la coque d'un navire dématé qui obéit au roulis. Dès lors, adieu, tout espoir, l'heure de sa mort va sonner. Épuisé de lassitude, saisi d'effroi, l'infortuné n'a plus d'autre ressource que celle de retremper ses ailes afin de reprendre de nouvelles forces dans son élément natal. Oui, mais il sait que la dorade est là, qui l'attend implacable dans sa gloutonnerie. Que faire? Rien. Ses forces sont épuisées, il faut qu'il succombe. Voici la dorade qui le saisit. Que son estomac te soit léger, pauvre petit malheureux. Il y a cependant des poissons volants plus roués et plus rusés que leurs autres compagnons, sans doute les intrigants et les habiles de leur race, qui savent braver impunément la poursuite de la dorade. Ceux-ci, au lieu de s'envoler avec la rapidité et la brutalité d'une pierre lancée par une fronde, modèrent la vitesse de leur ascension de façon que la marge de la dorade la dépasse. Alors, faisant une volte, ils retrempent leurs ailes tout à leur aise dans la mer et se sauvent en battant une contre-marche. À présent, je reviens pour ne plus le quitter, cette fois, à notre voyage de traite. Monsieur Liard, je l'ai déjà dit, en était à sa première opération d'ébène. Plus présomptueux encore qu'ignorant dans cette matière, il nous racontait toute la journée les sublimes et admirables innovations qu'il devait apporter dans ce négoce. Il était en train, nous disait-il, d'inaugurer sa nouvelle carrière par un coup d'éclat. Or, ce coup d'éclat, d'après la pensée du capitaine, signifiait qu'il achèterait sa cargaison à vil prix pour la revendre très cher. Pour accomplir ce projet, il résolut donc de s'adresser à quelques comptoirs peu fréquentés, où la marchandise fut, à défaut de concurrence, abondante, de choix et à prix pour ainsi dire nul. Le 13 janvier, 11 jours après notre départ de l'île Bourbon, nous mouillâmes à Oibé, ou Oibé, petite île située à l'embouchure nord du canal du Mozambique, séparée du continent par un bras de mer d'une lieue de large environ et flanquée au nord et au sud de deux autres îles plus petites qu'elle encore. Un amas de cabanes obscures, privées d'air, ayant de mauvais jardins mal entretenus et dispersés çà et là sans ordre, constituait la ville d'Oivet. Une maison délabrée, à un étage, une vraie masure, représentait le palais du gouverneur. Enfin, dernier vestige de la grandeur et de la puissance portugaise, un fortin en ruine et une chapelle qui n'existait pour ainsi dire plus, résumaient tous les monuments de cette ville remarquable. Ce que nous trouvâmes de plus curieux dans cette île, ce fut les cocotiers, qui y sont en si grande abondance qu'ils laissent à peine entrevoir les habitations envahies par leur feuillage. El Signor Gobernador nous reçut à notre débarquement en grande cérémonie. Sa garde, et Dieu sait quelle garde, nous accompagna à son palais en affectant de marcher au pas comme si elle eût connu l'exercice. Quant au Signor Gobernador, huché sur un trône composé d'un tonneau surmonté d'un petit banc en bois et recouvert d'un vieux rideau de couleur, il garda fièrement son chapeau sur la tête en nous voyant entrer et ne nous adressa pendant toute la durée de la cérémonie que deux ou trois monosyllabes. En un mot, il fut plein de dignité. Le lendemain, il venait incognito à notre bord et descendit jusqu'aux supplications les plus viles auprès de notre capitaine pour que celui-ci voulût bien lui prêter 20 piastres. Mais M. Liard ne voulut jamais, c'est une justice qu'on doit lui rendre, y consentir. Le second personnage le plus important de l'île, après le Signor Gobernador, était l'official de la Guarda. Ce titre répondait à peu près à celui de général commandant les troupes. La garnison d'Oivet était composée, y compris un fifre et un tambour, de 17 hommes. Au reste, actif, souple et industrieux, l'official de la Guarda employait de son mieux les loisirs que lui laissait le commandement des troupes. Il était chargé de la police et de la douane de l'île. La douane lui permettait de molester les voyageurs, la police de la ville de s'en faire des amis en leur procurant des distractions intimes. Je demanderai seulement la permission de ne pas m'étendre sur ce dernier sujet. Les femmes d'Oivet ne sont précisément pas des vertus farouches. Les habitants de cette ville méritent quelques lignes. Ils représentent, depuis le noir de jais, toutes les nuances imaginables, possibles et même impossibles, y compris celles du cuivre et du café au lait. Cette dernière couleur est considérée par eux comme le blanc pur. La nature de leurs cheveux est aussi variée que leur carnation. Tous les résidents d'Oivet disent être portugais. Le plus noir de tous est même celui qui soutient cette prétention avec le plus d'énergie. En outre, tous descendent de nobles et illustres familles. Leurs aïeux étaient les plus puissants seigneurs de la cour, cela ne fait pas un seul doute. Quant au costume de ces nobles rejetons, il me serait assez difficile d'en donner une description, par la bonne raison qu'ils n'en ont pas de précisément national. C'est un composé de haillons datant du siècle dernier, arrangé avec le moins de goût possible. Les lions ou les dandys de la ville, les plus à la mode et les plus admirés des femmes, marchent toujours pendant la semaine pieds nus. Les dimanches et les jours de fête, c'est tout autre chose. Une métamorphose complète s'opère dans la toilette des Oiviens. On dirait une lugubre et triste résurrection des 17e et 18e siècles. Les crevés, les pourpoints, les vestes jadis brodées, les jabots, les grands cols, les manchettes, les fraises, les brettes et les rapières sortent de la poussière des tombeaux et donnent à la population un air d'outre-tombe que la plume ne peut rendre, que le pinceau seul serait capable de retracer. Quant à moi, ce spectacle grotesque, au lieu d'éveiller ma gaieté, me causait une profonde et pénible impression de tristesse. Mon cœur se serrait à la pensée que tous ces spectres jaunes, hâves, ridicules et abrutis, étaient les descendants de ces intrépides et redoutables marins qui, les premiers, bravant l'approche du cap des tempêtes, pénétrèrent dans les mers du nord-est de l'Afrique et plantèrent avant tout leurs rivaux des autres nations les bannières de l'Europe sur les pagodes de l'Inde. Au reste, Oivet n'est point le seul comptoir portugais d'Afrique qui présente cette décadence. Tous, excepté celui de Mozambique, chef-lieu du littoral, et qui se distingue encore par son luxe et par ses richesses, sont entièrement déchus de leur antique splendeur. Depuis 6 jours que nous nous trouvions à Oivet, nos affaires, ou pour mieux dire celles du capitaine Liard, car une fois à terre j'étais rentré dans mon rôle de passager, n'avançaient pas du tout. À chaque instant, de prétendus courtiers venaient trouver le capitaine, lui promettant monts et merveilles, buvaient avec lui, puis ensuite le promenaient, sous prétexte de courir les entrepôts qui n'existaient pas, à travers les ruines de la ville, afin d'avoir, le soir venu, le droit de lui réclamer pour leur peine un léger courtage. Ces mystifications se renouvelèrent si fréquemment que M. Liard comprit enfin que ce qu'il avait de mieux à faire était de remettre à la voile et d'abandonner ce misérable comptoir où il avait espéré, faute de concurrence, pouvoir conclure une brillante affaire. Toutefois, avant de reprendre la mer, il résolut d'approvisionner de bois le navire et il désigna quelques-uns de nos hommes pour aller en abattre. Je devais, cela n'ayant aucun rapport avec la traite, diriger cette opération. Lorsque les naturels apprirent notre intention, ils s'empressèrent, en échange de quelques menus objets insignifiants et de nulle valeur, de nous fournir tout le bois dont nous pourrions avoir besoin. Ils nous avertirent en outre que le littoral de la Grande Terre était infesté d'animaux dangereux et que nous nous exposerions à de grands dangers. Le capitaine n'ignorait point cette circonstance, mais ne pouvant se résoudre dans son avarice au moindre sacrifice, il n'en persista pas moins dans sa résolution. Les observations respectueuses que lui adressèrent nos hommes à ce sujet ayant échoué, les matelots désignés durent se soumettre à sa ridicule et cruelle exigence. Un capitaine n'est-il pas, après Dieu, le maître à bord de son navire? Quant à moi, à la rigueur, j'aurais pu fort aisément, en ma qualité de passager, me dispenser de cette corvée. Mais ne voulant pas abandonner les matelots désignés, je partis un matin avec Combalot, Ducasse et le novice pour la périlleuse exploration. Le soleil se levait à peine lorsque nous mîmes pied à terre dans une petite anse du continent. Cette anse était bordée par une de ces forêts vierges impénétrables et mystérieuses, dont le sombre et solennel aspect parle toujours aussi vivement à l'imagination du voyageur que s'il le voyait pour la première fois. J'étais armé d'un sabre et d'un mauvais fusil à deux coups. Mes gens avaient également un fusil et une hache. Seulement la qualité de nos armes était si inférieure, si détestable, que nous n'osions guère compter sur elles. Au total, pourquoi ne pas l'avouer, nous n'étions pas très rassurés les uns ni les autres. « Lieutenant, me dit Combalot, ne serait-il pas bien que nous avancions tous les quatre de front? Quant à moi, quoique je n'ai jamais été un grand chasseur et que les habitudes des bêtes féroces de terre me soient peu connues, je trouve que cette empreinte si profondément incrustée sur la grève, là, à vos pieds, est un avertissement qui nous commande la prudence. « Ah, diable ! M'écriai-je après m'être baissé pour examiner l'empreinte signalée par François. « Quel que soit l'animal qui ait posé sa patte ici, il possède des griffes épouvantables. Mais avis que ce doit être un tigre ou un lion, lieutenant, si nous envoyons Fignolet à la découverte. Ce garçon-là n'est encore que novice. Ce serait s'il les dévorait une moindre perte pour l'équipage que celle d'un matelot. « Ah ben merci !» s'écria le pauvre Fignolet en se serrant contre moi. « Je ne bouge plus, moi !» « Fignolet, tu es un égoïste, et je te revaudrai cette petitesse de ta part, » dit en riant François. « Enfin, pour le moment, il s'agit de terminer notre tâche le plus vite possible. »« Ma foi, François, tu as raison, » m'écriai-je. « Plutôt nous nous éloignerons de cette tanière et mieux cela vaudra. Suivez-moi. » En parlant ainsi, j'armai mon fusil et je m'avançai vers la lisière du bois qui n'était guère éloignée de nous de plus de 300 pas. Je venais à peine d'atteindre les premiers fourrés qu'en poussant une exclamation d'étonnement et d'effroi, je me rejetai vivement en arrière. Le fait est que le spectacle qui avait frappé ma vue était quelque chose de si effrayant, de si bizarre, de si imprévu, que je ne savais plus où j'en étais. Mon cœur battait à se rompre dans ma poitrine, une sueur froide perlait sur mon front, la terreur paralysait toutes mes facultés et me tenait cloué à ma place droite et immobile. « Qu'est-ce qu'il y a donc, lieutenant ? » me demanda tranquillement Combalot, dont je commençais à soupçonner à partir de ce moment l'inébranlable intrépidité. « Des bêtes qui vous ont fait la grimace ?» Quant à Ducasse, il tremblait de tous ses membres. Fignolet s'était jeté par terre et se sauvait en rampant sur le ventre à côté de notre canot. « Vraiment, François, » répondis-je au matelot en essayant de reprendre mes esprits, « je ne sais pas trop si je n'ai pas rêvé. Le brouillard assez intense qui s'élève de ce petit bras de mer qui entre dans la forêt m'a empêché de bien distinguer. Peut-être me suis-je trompé. Voulez-vous m'accompagner ? » « Comment donc, lieutenant ? Mais avec plaisir. » Je m'avançai avec beaucoup de précaution, presque en rampant, vers l'endroit où j'étais déjà parvenu une première fois. Combalot me suivait sans la moindre émotion. Un sourire tant soit peu moqueur qu'il essayait de dissimuler se dessinait sur ses lèvres. « C'est ici, » lui répondis-je à voix basse et en m'avançant. « Regardons ensemble. » François et moi, nous nous levâmes doucement, en ayant soin de ne pas faire crier les branches. le même spectacle qui déjà m'avait épouvanté si fort et que je ne pouvais me décider, tant il me semblait impossible, à accepter comme une réalité, frappa encore cette fois de nouveau mes regards et mes oreilles. D'abord, c'était comme un bruissement de puissantes mâchoires occupées à dévorer une proie. Puis, à travers les vapeurs du brouillard, se détachait un grand corps noir étendu immobile par terre. Sur ce corps nu ou sur cette masse, de monstrueux animaux dont la puissance musculaire se devinait aisément à la rapidité de leurs mouvements, semblaient bondir en secouant leur tête. Leurs yeux brillaient comme des feux follets. François, que je regardais, n'osant lui adresser la parole de peur d'être entendu par la meute mystérieuse et affamée dont 100 pas nous séparaient à peine, François était pâle comme un mort. « Vous avez raison, lieutenant, » me dit-il, « il n'y a rien à faire. Ah, voici une paire d'yeux brillants qui se rapproche de nous. Sauvons-nous, sauvons-nous » Le matelot achevait à peine de prononcer ces mots quand un rugissement prolongé et épouvantable retentit à quelques pas seulement de nous et nous glaça d'un tel effroi que nous restâmes un moment immobiles sans trouver assez de force pour fuir. « Fignolet, Ducasse !» m'écriai-je en prenant mon élan vers la plage. « Embarquez, embarquez !» Cette recommandation était inutile. Je trouvais, en me précipitant dans le canot, le matelot et le novice appuyant déjà sur les avirons et poussant de fond pour s'écarter du rivage. « Et moi donc ?» s'écria en ce moment François en se lançant parmi nous. « Ouf, je l'échappais belle. J'ai trébuché sur je ne sais quel animal et j'ai manqué de me casser la jambe. Allons, ferme à présent sur les avirons. » Bien nous en prit de ne pas perdre de temps, car à peine avions-nous franchi une distance de 4 toises, quand 2 énormes tigres apparurent tout à coup à nos regards sur le bord du rivage. À la vue de la ceinture d'eau qui nous séparait d'eux, les monstres semblaient hésiter sur ce qu'ils devaient faire. Bientôt cependant le moins grand des deux, reculant de quelques pas, prit un élan terrible et s'élançant à corps perdu dans notre direction, s'en vint tomber à une brasse de nous. Étourdi d'abord par la violence de sa chute et aveuglé par l'eau de la mer, car il avait commencé en tombant par disparaître sous la vague, le tigre, poussé néanmoins par son air jusque sous notre canot, se mit à nager avec énergie et se dirigea vers l'arrière de notre frêle embarcation. Effrayé du danger que nous allons courir si l'animal parvient à atteindre le canot, je stimule de mon mieux François et Ducasse à forcer de rame. Quant au novice Fignolet, il s'est couché de nouveau à plat ventre au fond de notre esquif, où il ne cesse de répéter, quoique personne ne lui adresse la parole et ne songe à lui, « Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille !» Cependant le tigre, en sentant sur son dos le contact d'un corps solide, se retourne brusquement et, avant que nous puissions l'en empêcher, se cramponne avec ses formidables griffes, qu'il me semble voir encore pendant que j'écris ces lignes, à bâbord de notre bateau qui, entraîné par cette surcharge, s'incline jusqu'à embarquer la vague et menace de chavirer. François et moi, nous nous jetons à tribord et notre contrepoids redresse un peu l'embarcation. « Il n'y a pas de danger, lieutenant, » me dit Combalot. « Les pattes de derrière du tigre ne portent sur rien. Heureusement, il ne peut embarquer de suite. Flanquez-lui une balle dans la tête, ça le calmera peut-être. » Prendre mon fusil, l'armer, mettre le monstre en joue et faire feu fut pour moi l'affaire d'une seconde. La mort seulement s'enflamme, le coup ne part pas. Le tigre, de plus en plus furieux, nous étourdit de ses rugissements. Sa grande gueule, démesurément ouverte et à demi enfoncée dans la mer, nous recouvre d'une pluie d'eau chaque fois qu'il reprend son souffle. Il se consume en efforts pour escalader le canot et à chaque instant il semble prêt à réussir. Ce spectacle est effrayant. Au moment même où l'amorce seule de mon fusil s'est enflammée, François, abandonnant son aviron, saisit une hache et cherche à briser le crâne du monstre. Mais le tigre, avec une incroyable adresse, évite tous les coups que celui-ci lui porte. « Frappons plutôt sur les pattes, François, et faisons-lui lâcher prise. » En effet, à peine ai-je prononcé ces paroles, que j'allonge un furieux coup de sabre au tigre à l'endroit désigné, le matelot m'imite. En ce moment, soit que le monstre comprenne le danger qu'il court, soit que la douleur redouble sa rage, il réunit dans un suprême effort toute son énergie, s'élance et entre à moitié dans le canot. C'en est fait, nous ne pouvons plus l'empêcher d'embarquer. Je vais, dernière et probablement inutile tentative, essayer de lui plonger mon sabre dans la gueule, lorsque tout à coup le novice Fignolet se redresse, exaspéré, du fond de l'embarcation, saisit mon fusil que j'ai laissé tomber, puis mettant en joue le monstre, « Ah, canaille !» lui crie-t-il, « ça t'apprendra à me faire si peur !» Le coup part, et le tigre, retombant dans la mer, roule un moment sur la surface de l'onde et disparaît enfin sous une nappe de sang. Nous sommes vainqueurs. Fignolet nous a sauvés. Fignolet est un héros. Le danger auquel nous venions d'échapper d'une façon si grotesque et si miraculeuse tout à la fois nous avait causé une telle impression que nous fûmes pendant quelques instants sans prononcer ni les uns ni les autres une seule parole. Toutefois, dans la crainte que le monstre restait à terre, spectateur exaspéré et rugissant de ce combat si fatal à son compagnon, ne songea à venger sa défaite, nous nous hâtâmes de forcer de rames. Ce ne fut que quand nous nous trouvâmes enfin à une respectueuse distance du rivage que nous songeâmes à entrer en explication. Nos premières paroles furent pour complimenter Fignolet. Le pauvre garçon était redevenu, sa sublime colère passée, tout tremblant, et nous eûmes beaucoup de peine à le rassurer. Il ne pouvait croire à son triomphe. « Tu as fait preuve, Fignolet, lui dis-je, d'une rare présence d'esprit. »« Moi, lieutenant ?» me répondit-il en jetant autour de lui des regards effarés pour voir si d'autres tigres ne nous poursuivaient pas. « Je vous assure que ce n'était pas ma faute. Je ne sais pas ce que j'ai fait. » « Tu as beau te défendre, tu ne nous prouveras jamais qu'il ne t'a pas fallu déployer un grand sang-froid pour amorcer de nouveau mon fusil et atteindre le monstre à bout portant. »« Je n'ai pas amorcé votre fusil, lieutenant. »« Au moins, tu eus soin de n'appuyer que sur la détente du coup que je n'avais pas tiré. »« Ah, mon Dieu, mon lieutenant, je ne savais même pas qu'il eut un coup de mieux chargé que l'autre. »« J'ai appuyé machinalement sur quelque chose. Je n'ai rien vu, rien visé. Je ne puis comprendre que le tigre soit tombé. »« Peut-être, après tout, lui avez-vous coupé la patte ?» Car, dire vrai, je n'ai pas entendu la détonation de mon arme, et je ne suis pas bien certain encore que le coup soit parti. Croyez-vous, lieutenant, qu'ils ne reviendront plus ? Que nous importe, tu es avec nous, Fignolet, nous ne pouvons rien craindre. Une chose m'étonnait dans l'attaque dont nous avons manqué d'être les victimes, c'était qu'un tigre se fût jeté à la mer pour nous poursuivre. J'avais si souvent entendu parler de l'horreur et de l'aversion qu'éprouvent ces animaux pour l'eau, que je ne pouvais m'expliquer l'action de celui-ci. François, sans s'en douter, m'éclaircit ce mystère. « Parbleu, lieutenant, me dit-il, je l'ai, je vous le répète, échappé bien plus belle que vous autres encore. Pendant que je courais vers la plage pour rejoindre l'embarcation, j'ai bousculé dans le ressac d'un ruisseau un animal qui s'était embarrassé entre mes jambes, et j'ai fait une chute un peu soignée. Or, pendant ce temps-là, deux tigres étaient déjà à nos trousses. Si je m'étais seulement démis le pied, ou que je fusse étourdi un quart de minute, j'étais drôlement croqué. Quel est donc cet animal qui vous a fait trébucher, François ? Je ne sais, lieutenant. Je lui ai allongé un tel coup de pied qu'il est allé tomber à la mer, et le courant l'a emporté en dérive. Il me semble que ce devait être, à en juger par sa conformation et par sa grosseur, un gros renard. Parbleu ! M'écriai-je. Je comprends tout maintenant. De même que l'illustre Fignolet nous a sauvés sans le faire exprès, « de même, vous avez manqué, vous, François, sans vous en douter, d'être la cause de notre perte. »« Moi, lieutenant, et comment cela ?»« Ne comprenez-vous donc pas que cet animal que vous avez jeté à la mer, que le courant emportait en dérive, et que vous supposez être un renard, était tout bonnement un jeune et petit tigre ?»« Tiens, au fait, vous pourriez avoir raison. »« Et que le monstre qui nous a poursuivis avec tant d'acharnement était sa mère, sa tendre mère. » qui d'abord ne s'était précipité à la mer que pour ressaisir son nourrisson, mais qui, nous trouvant sur son chemin, n'a pu se retenir de nous témoigner son mécontentement de notre brutalité. Ça ne fait pas un doute pour moi. En effet, nous tombâmes tous d'accord sur la probabilité de ma conjecture. Nous atteignîmes bientôt Oivet sans aucun nouvel accident. Seulement, François Comballot, Ducasse et Fignolet, Fignolet surtout, me déclarèrent en mettant pied à bord que si le capitaine Liard exigeait qu'il recommençât à s'aller couper du bois, il se mettrait en rébellion ouverte plutôt que de lui obéir. En arrivant à Oivet, je me présentai, après toutefois avoir rendu compte au capitaine de l'infructueuse issue de notre mission, chez le signor gobernador, auprès duquel un peu d'eau-de-vie offerte à propos m'avait mis au mieux, et je lui racontai nos aventures du matin. Le signor gobernador, intrigué de savoir comment il pouvait se faire qu'une aussi grande quantité d'animaux féroces se trouva réunis sur un seul et même point, fit immédiatement partir quelques naturels pour vérifier ou expliquer ce fait extraordinaire. Le soir même, nous avions l'explication de ce mystère. Un énorme requin s'était introduit durant le flux de la marée, parmi les racines crochues des mangliers qui bordent la côte, et n'ayant pu se dégager à temps pour regagner le large à la faveur du reflux, était resté échoué sur le sable. Attiré par cette bonne aubaine, les tigres de la forêt faisaient probablement depuis quelques jours ripaille avec le corps de ce squale et tenaient table ouverte toute la journée. Les dents du requin échoué, dont les naturels rapportèrent la mâchoire, avaient plus d'un pouce et demi de champ, ce qui donnait pour le monstre une longueur de 25 pieds de tête en queue. Le capitaine s'étant décidé, bien à contre-cœur, à acheter le bois dont nous avions besoin, et rien ne nous retenant plus à Ouivet, nous devions mettre à la voile le lendemain, lorsque l'officiel de la Guarda vint trouver M. Liard et lui proposa un marché magnifique, c'est-à-dire une partie de la cargaison d'ébène dont il avait besoin. « Je ne sais, me dit le capitaine, avec qui je me trouvais en ce moment, si je dois suivre cet intrigant. Je ne serais pas étonné qu'il me tendît un piège. Pourtant, d'un autre côté, si ma méfiance allait me faire manquer une bonne affaire... Si vous craignez quelque chose, voulez-vous, capitaine, que je vous accompagne ? J'accepte votre proposition avec reconnaissance, mon cher Garneret. Partons. » Le seigneur gobernador, après nous avoir promenés assez longtemps entre d'étroits sentiers bordés de haies vives, de cocotiers et de murs en terre, s'arrêta enfin devant un vaste enclos dans lequel plusieurs gros dos guerraient en liberté. « Entrez sans crainte, nous dit-il en passant devant nous. Ces chiens ne vous attaqueront pas en vous voyant avec moi. Ah, si vous étiez seul, ce serait tout différent. Ils vous dévoreraient alors avec autant de zèle que de plaisir. » « Si nous nous laissions faire, seigneur, lui dis-je, mais comme nous avons, le capitaine et moi, chacun sur nous une excellente paire de pistolets à deux coups, plus un poignard assez bien trempé, il est probable que vos dogues ne s'engraisseraient guère avec nos mollets. « Ah, vous avez sur vous des armes ? » s'écria le portugais. « Mais savez-vous, messieurs, que vous êtes en contravention avec les règlements de police ?»« Voilà assez de paroles de perdu, » interrompit sèchement le capitaine. « Voyons plutôt votre marchandise. » Il me parut, et je ne sais encore aujourd'hui si ma remarque était vraie, que l'officiel de la Guarda, en apprenant que nous nous trouvions en état de défense, ne montrait plus le même empressement qu'auparavant à nous faire entrer dans le bazar où M. Liard devait trouver sa cargaison. Toutefois, après une légère hésitation, il se dirigea vers une grande paillote toute délabrée qui se trouvait reléguée dans un des coins de l'enclos, souleva avec peine une espèce de volet formé de minces perches qui fermait l'unique entrée de cette habitation isolée, puis, se retournant vers nous, nous invita à le suivre dans l'intérieur. Nous fûmes un moment, après avoir franchi le seuil de la porte, sans pouvoir distinguer les objets qui nous entouraient. Enfin, nos yeux s'habituant peu à peu aux épaisses ténèbres qui régnaient dans cet ignoble et dégoûtant cloaque, nous nous trouvâmes au milieu d'une douzaine de très belles Africaines, dont la plus jeune avait environ 13 ans et la plus âgée 18. Toutes ces esclaves allaitaient ou soignaient des enfants qui, en nous voyant entrer, se mirent à crier comme de beaux diables. Rien ne saurait donner une idée du triste spectacle que nous avions devant les yeux. Les Africaines, accroupies ou couchées, gisaient pêle-mêle par terre, sur des lambeaux pourris de vieilles nattes de jonc, et n'avaient pour toute toilette que de misérables haillons qui recouvraient à peine, comme disent les Espagnols dans leur style pittoresque et animé, leur honte. Quant à l'ameublement de la paillote, il était des plus simples. Il consistait en une grande marmite, quelques plats en terre, des tasses de coco, et une douzaine de calebasses. Le mur du fond était recouvert par un immense paillasson qui le cachait en entier. L'entrée et la présence du seigneur officiel de la Guarda me parut produire sur les jeunes Africaines une impression pénible. Elles se levèrent aussitôt, le saluèrent avec embarras et restèrent devant lui, droites, immobiles et les yeux baissés. Quant à M. Liard, poursuivi par son idée fixe de conclure un bon marché, il ne s'occupait que des esclaves. Il les regardait les unes après les autres avec une attention de maquignon marchandant des chevaux. « Ces femmes ne sont pas trop avariées, je l'avoue, » dit-il enfin à l'officiel de la Guarda, qui, les lèvres pincées, le regard incertain et distrait, semblait, préoccupé par une idée fixe, n'apporter que fort peu d'attention au marché qu'il devait traiter. « Ces femmes ne sont pas trop avariées, mais que voulez-vous qu'on fasse de 12 pièces seulement ?» Remarquez en outre qu'en les embarquant à présent, c'est-à-dire lorsque tout mon chargement me reste à compléter, le risque que je cours en les exposant à une longue traversée est bien plus grand que si je me rendais directement à Bourbon. Toutefois, si vous voulez me les céder à vil prix, je consentirai peut-être à vous en débarrasser. » À cette offre, exprimée par le capitaine Liard en ce langage et, pour être plus exact, en ce patois mélangé d'italien, de portugais et d'arabe, qui est compris par tout le monde sur le littoral de la mer des Indes, j'en remarquais que les africaines, loin de paraître effrayées du nouvel esclavage qu'on voulait leur imposer, regardèrent au contraire M. Liard avec des yeux dans lesquels se lisait clairement tout le plaisir et l'espérance que leur causait sa proposition. « Ces femmes ne sont pas à vendre, monsieur, » répondit froidement l'officiel de la Guarda. « Oh ben, alors pourquoi donc m'avez-vous amené ici ? Ah, probablement car je vois que toutes ces Africaines ont des enfants pour me proposer leur mari. Leur mari ?» répéta en ricanant et avec une singulière inflexion de voix le portugais. « Je les ai vendues, il y a quelque temps, au dernier négrier qui a visité Oivé. Eh bien alors, pourquoi m'avez-vous dérangé pour me conduire ici ?» demanda le capitaine en commençant à perdre d'autant plus patience que déjà souvent, je l'ai dit, il avait été victime de nombreuses mystifications de la part des courtiers. Pour voir si quelques-uns des enfants de ces Africaines peuvent vous convenir, il y en a 3 ou 4 en âge d'être embarqués. Ce n'était guère la peine de me déranger pour si peu. Enfin, puisque me voilà, n'importe, voyons ces enfants. Pendant que M. Liard se livrait à ce nouvel examen, il me parut entendre comme un murmure de voix venant de derrière le paillasson qui recouvrait, le lecteur doit se le rappeler, le mur du fond de la paillote. Peu confiant dans la loyauté de l'officiel de la Guarda, et flairant une trahison de sa part, je soulevai doucement le paillasson pour voir d'où venait ce murmure de voix. J'aperçus 5 ou 6 Portugais déguenillés et armés de couteaux qui, accroupis par terre et les yeux tournés dans notre direction, semblaient causer entre eux avec animation. Cette découverte, on le conçoit, n'était guère faite pour me rassurer. M'avançant aussitôt vers l'officier, « Seigneur, lui dis-je en portant la main à la poche de mon large pantalon comme pour y chercher une arme, « Seigneur, auriez-vous l'extrême obligeance de renvoyer les braillards qui se trouvent dans la paillote voisine et dont le bavardage m'agace étrangement les nerfs ?» Le portugais, en remarquant mon geste, avait pâli. « Avec grand plaisir, Seigneur, me répondit-il en accompagnant ses paroles d'un sourire qu'il essaya de rendre gracieux. Au reste, ces gens-là sont de mes soldats, qui m'attendent. Ne peuvent-ils pas tout aussi bien vous attendre dans la rue qu'ici ? Certainement, je vais les congédier. L'officiel, écartant le paillasson qui masquait l'entrée de la seconde paillote, ordonna aussitôt aux 5 ou 6 Portugais déguenillés de sortir. Ceux-ci obéirent d'assez mauvaise grâce. « Eh bien, capitaine, demandai-je à M. Liard, qui avait parfaitement compris la petite scène qui venait de se passer, avez-vous terminé vos achats ?»« Ma foi, non, me répondit-il, et je renonce volontiers à cette affaire. Que diable voulez-vous que je fasse à bord de 2 ou 3 marmots ? Et puis, remarquez un peu ces enfants que l'on veut me vendre. Leurs cheveux sont presque soyeux, leur nez aquilin, leur peau couleur de cuivre. On ne dirait certes pas que ce sont des nègres, personne ne voudrait peut-être me les acheter. » « Le fait est, capitaine, que ces petits malheureux semblent plutôt être portugais. »« Ah, mais voilà qui est singulier. Ne trouvez-vous pas, capitaine, qu'ils ressemblent beaucoup, mais là, beaucoup ?»« À l'officiel de la Guarda, » s'écria M. Liard en m'interrompant. « Tout juste, capitaine. »« Ah, mais oh non, cela serait trop affreux. »« Que voulez-vous dire, Garneret ?»« Je veux dire qu'un soupçon épouvantable vient de me traverser l'esprit. » Toutes ces Africaines, qui sont jeunes et jolies, qui ont toutes des enfants, et des enfants au type portugais, cette paillote contiguë à celle-ci, ces maris qui ont été vendus au dernier négrier qui a touché à Oivé, ne comprenez-vous pas, capitaine ? Quoi donc ? Ah, j'y suis, oui, Garneret, vous avez deviné juste. La fécondité de ces pauvres Africaines est un revenu pour ce misérable officier. Les enfants qu'il voulait me vendre sont les siens. Après tout, cette opération n'est pas si maladroite. Cela doit lui rapporter encore d'assez jolis bénéfices par an. Allons-nous-en, capitaine, je vous en prie. La vue de ces pauvres femmes me fait mal. L'officiel, pendant que je causais en français avec le capitaine, semblait fort mal à son aise. Du coin de l'œil, il épiait l'expression de nos physionomies. Il ne put dissimuler un sourire de contentement qu'amena sur ses lèvres l'annonce de notre départ. Les Africaines, en nous voyant nous éloigner sans conclure de marché, levèrent au ciel des yeux humides de reconnaissance et serrèrent avec amour leurs pauvres petits-enfants contre leur poitrine. « Seigneur, dis-je à l'officiel en soulevant le paillasson du fond de la paillote, ne pourrions-nous passer par ici ?» Le fait est que de me retrouver en présence des énormes dogues qui hurlaient dans l'enclos ne me souriait que fort médiocrement. Aussi, joignant l'action à la parole, je traversai rapidement la paillote dans laquelle je venais d'entrer. Le capitaine Liard s'empressa de me suivre. Que l'on juge de notre étonnement, lorsque nous aperçûmes en face de nous, en mettant le pied dans la rue, notre propre habitation. Cependant, l'official nous avait bien fait marcher pendant un bon quart d'heure pour nous conduire à son ignoble bazar. Évidemment, il nous avait tendu un guet-apens. Ce qui me confirma encore dans cette opinion fut le sourire contraint, accompagné de protestations ridiculement exagérées d'amitié et de dévouement, qu'il nous adressa en nous quittant. Il promit aussi au capitaine, si celui-ci voulait retarder le départ de la Doris de 5 jours seulement, qu'il lui procurerait à vil prix, pour ainsi dire gratis, une cargaison d'ébène au grand complet. M. Liard, après un moment d'hésitation très bien simulé, consentit à ce retard. « Garneret, me dit-il, dès que l'official nous eut quittés, cette canaille rêve à présent un moyen de prendre sa revanche. Nous mettrons à la voile demain, au point du jour. Ma foi, capitaine, je trouve que c'est là ce que nous avons de mieux à faire. » Le 24 janvier, après avoir remonté le canal de Mozambique du sud au nord, enlongeant la côte orientale d'Afrique, nous nous trouvâmes en vue de l'île de Zanzibar. Cela me causa d'autant plus de plaisir que mon aversion pour la vie de négrier, depuis que je l'avais vue de près, n'avait fait naturellement qu'augmenter. La journée du 24 janvier fut fort belle. La brise nous était favorable et pas un nuage ne tachait l'azur du ciel. Toutefois, vers les 7 heures du soir, le sommet des montagnes du continent se cacha sous des masses de vapeurs jaunâtres de mauvais augure et l'horizon, dans la direction de l'ouest, prit une teinte d'un brun violet qui nous donna à réfléchir. Enfin, un petit nuage apparaît à l'horizon et monte contre la brise du large en grossissant avec une telle rapidité qu'au bout de quelques minutes, il remplit l'immensité du ciel. Bientôt, son centre se colore d'une teinte charbonnée. Son sommet et ses bords présentent l'image effrayante et pleine de vérité d'une masse de rochers sillonnée d'énormes ravins et de profondes excavations suspendues sur nos têtes. Des éclairs ardents et éblouissants franchent ses bords des lueurs les plus vives et les plus éclatantes, sans pouvoir parvenir cependant à éclairer son centre compact et épais. Plusieurs tonnerres errant dans l'espace se heurtent, se rencontrent avec d'incroyables éclats. On dirait une bataille de géants. Une fois parvenu au zénith, l'orage se décompose et perd de son unité. De larges crevasses produites par la vibration du tonnerre sillonnent les nuages et nous permettent d'apercevoir de temps en temps le disque de la lune rouge comme du sang. Les foudres diverses qui vont s'éteindre en sifflant dans la mer écumante laissent sur différents points de la Doris des traces de leur passage. Des lueurs phosphoriques dansent sur les cordages, les vergues, au haut des mâts de notre brigue. L'équipage, accablé par l'influence de l'électricité, suffoqué presque par le gaz sulfureux qui a remplacé l'oxygène de l'atmosphère, a toutes les peines possibles à carguer les voiles. Le petit foc seul, pour que nous nous trouvions en mesure de parer à tout événement, est laissé sur sa drisse. Comme personne de ceux qui se trouvent à bord de la Doris, depuis le capitaine jusqu'à Fignolet, n'a encore été témoin d'un tel phénomène, nous sommes tous en proie à une profonde impression de crainte et de découragement. Il n'y a que François Comballeau qui ait le courage de plaisanter sur les feux de Bengale. Tout à coup, un bruit épouvantable qui éclate du côté de bâbord augmente nos alarmes. Presque au même instant, une colonne d'air ou d'électricité se précipite sur l'embelle de la Doris qu'elle plonge, du côté de tribord, dans la mer jusqu'aux écoutilles. Un seul cri retentit sur notre brigue. Nous ne croyons à notre dernière heure. Le choc éprouvé par notre navire a été si violent qu'il a enlevé les huniers, mais la misaine, suspendue sur ses cargues, résiste. Tout fut désarrimé à bord. Heureusement pour nous, le petit foc, je l'ai déjà dit, était resté établi. La résistance qu'oppose cette menue voile empêche seul peut-être le navire de sombrer, en le faisant abattre vent arrière. Malheureusement, notre paratonnerre est brisé, et le fluide, qui jusqu'alors s'était pour ainsi dire condensé sur lui, s'éparpille de tous les côtés. La mâture, les agrès, le gaillard d'avant s'illuminent de flammes fantastiques qui, activées par un vent furieux, enveloppent bientôt la Doris dans un réseau de feu. L'instinct de la conservation parlant en nos cœurs plus haut encore que la crainte, nous puisons avec une activité fébrile de l'eau de la mer et nous combattons pied à pied l'invasion de la flamme qui se serait bien éteinte toute seule sans nous embraser, mais nous croyons sauver le navire de l'incendie. Enfin, dans mon imagination, Nous touchions au salut. Déjà, on entrevoyait, grâce à une éclaircie dans le ciel, la masse noire du gréement de la Doris se balancer dans les airs. Notre brigue redressée glissait avec légèreté du sommet des vagues dans les profondeurs de leurs abîmes, et l'équipage, ranimé par la fraîcheur de l'air, s'occupait avec ardeur à sauver les précieux débris des huniers épargnés par la trombe, lorsque, tout à coup, à travers le sifflement des cordages, retentit un cri qui nous glace d'effroi, un cri que jamais marin n'a entendu sans éprouver un douloureux serrement de cœur. « Un homme à la mer !» À cette sinistre annonce, tous les travaux sont suspendus. On jette précipitamment par-dessus bord la bouée de sauvetage, des cages à poules, tous les objets insubmersibles que l'on trouve sous sa main. La barre, subitement mise dessous, produit l'effet désiré. Le navire vient en travers. Seulement, la mer nous couvre d'un bout à l'autre et le gaillard d'avant disparaît, par moments, tout entier sous la vague. Qu'importe, il faut sauver notre compagnon. Les personnes qui ne connaissent que superficiellement les mœurs des matelots se feraient difficilement une idée du dévouement qu'excite toujours le sauvetage d'un homme. Quel que soit l'état du temps, que la tempête rugisse ou que la foudre tombe, rien n'arrête le marin dans l'accomplissement de ce devoir sacré. À ce cri, un homme à la mer, tout le monde, abandonnant le travail des voiles, s'est précipité sur le gaillard d'arrière pour aider à mettre à l'eau le canot suspendu en porte-manteau. Le malheureux, dont chacun déplore le sort et que chacun est disposé à sauver au prix de sa propre vie, est le Rochelet prend tout. « Oui, mes amis, vite, le canot à la mer !» s'écrie le capitaine Liard. « Mais que personne n'embarque, entendez-vous, je le défends. Silence et pas de réflexion. » Ne comprenez-vous pas que le canot chargé de monde ne pourrait résister un moment à la violence de la tempête? Affalez-le, avec deux fanaux allumés seulement. Courage, j'aperçois prend tout, il nage bien. Il atteindra, guidé par ce signal, l'embarcation. Dans un quart d'heure, la tombée de vent qui suit toujours les grandes bourrasques aura lieu, et nous irons alors avec l'autre canot et le navire au secours du Rochelet. Les matelots sont tellement convaincus qu'en toute circonstance et quel que soit l'état des éléments, il y va de l'honneur présent et de leur bonheur futur à tout tenter pour repêcher un homme à la mer, que le capitaine, quoique la raison fût certes 100 fois de son côté, eut toutes les peines du monde à les arrêter dans leur élan irréfléchi. Enfin, le canot s'affale à l'eau, mais roulé aussitôt dans l'arceau d'un énorme ressac, il s'emplit d'eau et l'un des deux fanaux s'éteint. « Eh bien, dit le capitaine en s'adressant au matelot, avais-je tort ? Si vous étiez dans le canot, croyez-vous que votre poids ne l'eût point fait emplir de suite? Au lieu d'une victime, j'en aurais 4 maintenant à secourir. » Nous assistions, en ce moment, à un bien triste spectacle. Le vent se calmait, il est vrai, comme l'avait prédit le capitaine, mais ce calme relatif ne constituait pas moins une violente tempête, une obscurité profonde, qui ne nous permettait de nous reconnaître qu'à la voix, quelque rapprochés que nous fussions, avait succédé à l'embrasement de l'atmosphère, et le navire, prêtant le flanc à la lame, retentissait toujours sous les coups sourds et redoublés qui frappaient sa carène. Nous étions loin encore d'être hors de danger. Cependant, je puis le dire, malgré le précaire de notre position, toute notre attention se concentrait uniquement sur le fanal allumé que nous apercevions, suivant le mouvement de la vague et vers lequel, nous l'espérions au moins, notre pauvre camarade devait diriger ses efforts. Nous nous figurions le malheureux atteignant enfin le canot. Ne pouvoir plus, ses forces étant épuisées, réussir à s'y embarquer. Mes oreilles avidement tendues au bruit de la tempête croyaient saisir dans chaque bouffée de vent le dernier cri d'adieu du malheureux prend tout. Enfin, après avoir placé un homme en vigie pour surveiller le fanal, l'équipage reprit ses travaux, on orienta provisoirement la misaine et la grande voile, et on se remit à serrer silencieusement et à tâtons les restes des huniers. La bordée que nous courions alors nous éloignait du lieu du sinistre. Lorsque nous n'apercevions presque plus le fanal, nous virions de bord pour aller à sa rencontre. Le navire, réduit presque à l'état de cap par la perte de ses voiles, cheminait très lentement. Enfin, l'ouragan se calma, comme il s'était déclaré, presque subitement. Nous nous empressâmes d'orienter tant bien que mal les perroquets pour remplacer les huniers, et nous gouvernâmes de manière à pouvoir rencontrer et aborder le canot d'aussi près que possible. Cette manœuvre, c'est une justice que je me plais à rendre au capitaine Liard, fut calculée et exécutée avec tant de précision qu'en moins de 20 minutes nous distinguâmes, comme un point noir à notre avant, le canot surmonté du fanal qui projetait encore quelques lueurs mourantes. Cette apparition, tout en nous causant une joie profonde, ne calma cependant pas entièrement notre anxiété. Car qui nous assurait que l'infortuné Prantou avait pu atteindre l'embarcation? Et même encore, en supposant qu'il y fût parvenu, pourrions-nous espérer qu'il résistait à la mer furieuse et à la fatigue? Nos regards étaient donc fixés avec anxiété vers le canot qui devenait de plus en plus visible pour nous lorsqu'un cri simultané s'échappa de nos poitrines. « Le voilà, c'est lui !» En effet, le pauvre Rochelet agenouillé au milieu de l'embarcation et tendant les bras vers nous remerciait Dieu de l'avoir sauvé. Ah, je suis sûr qu'en ce moment, plus d'une larme douce et furtive glissa le long des joues bronzées de nos négriers. Quelques minutes plus tard, la Doris accostait le naufragé de très près et envoyait un canot pour le recueillir. Il me serait impossible de décrire les soins et les empressements qui furent prodigués à Prantou quand il mit le pied sur le pont. Nos rudes marins trouvèrent pour lui des prévenances de femmes et des attentions de sœurs de charité. C'est que le marin est si fier et si heureux quand il arrache à la mer son impitoyable et constant ennemi, une de ses victimes. C'est étonnant tout de même que nous ayons le bonheur de sauver ce cher Prantou, n'est-ce pas, lieutenant ? Me dit Combalot. Étonnant, non, mais heureux, oui, lui répondis-je. Non, lieutenant, je ne me trompe pas. C'est bien étonnant que je veux dire. Oubliez-vous donc que nous sommes partis un vendredi. Le fait est, Combalot, que depuis notre départ, voilà déjà le second accident qui nous arrive. Oui, Chastenay, la tempête, nos avaries et le bain de Prantou. Cela n'est que le commencement du commencement. Suffit. On sait que Combalot est un brave garçon qui rit au nez du guignon et qui ne boude pas plus qu'un autre qui ne boude pas du tout. J'ai pas peur, mais vous verrez, lieutenant, vous verrez. Le lendemain matin, c'est-à-dire 24 jours après notre départ de Bourbon et 48 heures après notre appareillage d'Oïvée, la Doris laissait tomber son ancre au milieu d'un nombre assez considérable de navires appartenant aux différentes tribus musulmanes du nord-est de l'Afrique, devant le riche comptoir de la ville de Zanzibar, située sur l'île de ce nom. Zanzibar est la colonie principale de l'iman de Mascate, dont j'ai déjà parlé à propos de mon voyage à bord de la Petite Caroline, et le point central du commerce et de la navigation entre le Cap d'Ambre et la mer Rouge. Lorsque nous arrivâmes, une grande activité commerciale régnait sur la place. Le marché était abondamment fourni d'ébène. Le prix de cette marchandise ne s'éleva pas au-delà d'un taux très modéré. Le capitaine Liard devait être dans la joie de son âme car il pouvait facilement y compléter une belle cargaison en quelques semaines. Quand je dis que le capitaine devait être dans la joie de son âme, c'est une manière de parler, par la raison que le jour même de mon arrivée à terre, je lui déclarai que je comptais rester à Zanzibar et le quitter assez froidement. M. Liard me fit, ce qui m'étonna de sa part, de fort belles et avantageuses propositions, si je voulais consentir à rester avec lui comme lieutenant. Mon aversion pour la traite n'ayant pas diminué depuis mon séjour à Oïvée, loin de là même, je refusai et m'en fus à mes affaires. Ici m'attendait une cruelle désillusion. L'homme chargé de mes pouvoirs pour opérer le recouvrement des sommes qui m'étaient dues à Zanzibar, un juif, que j'avais cru jusqu'alors un chrétien, avait bien, pendant mon absence, touché le montant de mes créances, et cela avec beaucoup de zèle même, seulement il avait jugé ensuite à propos de s'enfuir sans laisser son adresse. Que l'on juge de ma position, je n'avais pour toute fortune que le reste de cette faible somme de 40 piastres à peu près que j'avais emporté de Bourbon, et que mon séjour à Oïvée, loin d'arrondir, puisque je n'avais pas voulu accepter d'appointement, avait quelque peu diminué. En outre, le port de Zanzibar ne renfermait aucun navire européen sur lequel il me fut permis de m'embarquer même en qualité de simple matelot. Un moment pressé par le besoin, je songeai à aller retrouver le capitaine Liard, dont je me repentais d'avoir repoussé les avances. Je conçois que beaucoup de marins aient été obligés de se livrer à la traite malgré leur aversion pour cet odieux trafic. Un hasard, je n'ose dire heureux en songeant aux suites désastreuses de notre voyage, me dispensa de l'humiliation et de l'ennui de faire des avances au capitaine. Ayant rencontré le soir même de notre arrivée M. Liard sur le port, celui-ci, malgré la façon un peu froide dont j'avais pris congé de lui, accourut à ma rencontre et m'invita à aller prendre le café, ce que j'acceptai sans trop me faire prier. À peine étions-nous attablés vis-à-vis l'un de l'autre, qu'il recommença à vouloir m'endoctriner pour me faire accepter la place de lieutenant à bord de la Doris. Il débuta d'abord par s'étendre sur les bénéfices certains que je devais retirer de ce voyage de traite. mais, l'interrompant bientôt, « Capitaine, lui dis-je, permettez-moi de vous répéter une dernière fois pour toutes que jamais je ne serai négrier. Voici tout ce que je puis faire pour vous. Je remplirai, sans en avoir le titre et sans être porté sur les rôles de l'équipage, les fonctions de lieutenant jusqu'à la fin de votre voyage, renonçant à la haute paye et à tous les avantages attachés à la navigation de la traite. Une fois rendus à Bourbon, vos armateurs, selon le compte que vous leur rendrez de mes services, m'indemniseront de la perte de mon temps. Rien de plus. Si ces conditions vous conviennent, parlez, je me rembarque ce soir. » Mon ultimatum était trop modéré, puisque j'exigeais moins de solde comme lieutenant que n'en touchaient nos simples matelots, pour déplaire au capitaine, aussi s'empressa-t-il de l'accepter. Je repris dès le soir même ma cabine à bord.